Exercice 6, page 164. A. Elle doit la laisser. B. Elle doit la laver. C. Elle doit la lancer. D. Elle doit la rincer. E. Elle doit la ramener. F. Elle doit la rappeler.